m'as tellement donné chaque jour. Tu m'as aimé et t'es soutenu toujours. Et sans ne jamais rien attendre en retour, pour toi mon cœur est rempli d'amour. Tel un oiseau qui protège son nid, du mal tu as su me garder à l'abri, et c'est ainsi que de moi tu fis ton plus grand admirateur pour la vie. Face aux épreuves patientes, tu t'es montré. Et Dieu sait combien tu en as rencontré. Mais tu ne t'es jamais défilé. Sache que tu es ma plus grande fierté. Maman, je t'aime et je t'aimerai. Quoi qu'il arrive, pour toi je serai prêt. Comment pourrais-je ne pas t'aimer? Comment te rendre tout ce que tu m'as donné? À présent je réalise au fond de mon cœur que tu n'as souhaité pour moi que mon bonheur. Tu m'as aidé à surmonter mes peurs, comme tu as partagé mes peines, mes douleurs. Je te remercie pour toute l'attention que tu m'as portée et toute l'affection. Maman, je te demande aussi pardon. Avec toi, je n'ai pas toujours été bon. Même si on ne s'est pas toujours compris, maman, mon cœur te dit merci. Sans limite et sans aucun mépris, avec amour à l'infini. Pour toi je prie souvent, et je sais que là où Dieu m'entend. Maman, pour toi je prie souvent, et je sais que là où Dieu m'entend. Et je sais que là où Dieu m'entend.